Chapitre 11. Cependant, peu à peu, ce voile de glace que le comte semblait avoir tiré sur son visage se fondit. Il m'avait conduit dans l'appartement qu'il me destinait. C'était une chambre, entièrement meublée dans le goût de Louis XV. « Oui, je la connais, » interrompis-je, « c'est celle où je suis entrée. Oh, mon Dieu, je commence à tout comprendre. » Là, reprit Pauline, il me demanda pardon de la manière dont il m'avait reçue. Mais la surprise que lui avait causée mon arrivée inattendue, la crainte des privations que j'allais éprouver en passant 2 mois dans cette vieille masure, avait été plus forte que lui. Cependant, puisque j'avais tout bravé, c'était bien, et il tâcherait de me rendre le séjour du château le moins désagréable qu'il serait possible. Malheureusement, il avait, pour le jour même ou le lendemain, une partie de chasse arrêtée, et il serait peut-être obligé de me quitter pour 1 ou 2 jours. Mais il ne contracterait plus de nouvelles obligations de ce genre, et je lui serais un prétexte pour les refuser. Je lui répondis qu'il était parfaitement libre et que je n'étais pas venu pour gêner ses plaisirs, mais bien pour rassurer mon cœur effrayé du bruit de tous ces assassinats. Le comte sourit. J'étais fatigué du voyage. Je me couchai et je m'endormis. À 2 heures, le comte entra dans ma chambre et me demanda si je voulais faire une promenade sur mer. La journée était superbe, j'acceptai. Nous descendîmes dans le parc, l'Orne le traversait. Sur une des rives de ce petit fleuve, une charmante barque était amarrée. Sa forme était longue et étrange. J'en demandai la cause. Horace me dit qu'elle était taillée sur le modèle des barques javanaises et que ce genre de construction augmentait de beaucoup sa vitesse. Nous y descendîmes, Horace, Henri et moi. Le Malais se mit à la rame et nous avançâmes rapidement aidés par le courant. En entrant dans la mer, Horace et Henri déroulèrent la longue voile triangulaire qui était liée autour du mât, et sans le secours des rames, nous marchâmes avec une rapidité extraordinaire. C'était la première fois que je voyais l'océan. Ce spectacle magnifique m'absorba tellement que je ne m'aperçus pas que nous gouvernions vers une petite barque qui nous avait fait des signaux. Je ne fus tiré de ma rêverie que par la voix d'Horace, qui est là un des hommes de la barque. « Hola, eh, monsieur le marinier !» lui cria-t-il. « Qu'avons-nous de nouveau au Havre ?»« Ma foi, pas grand-chose, » répondit une voix qui m'était connue. « Et à Bursy ? Tu le vois, un compagnon inattendu qui nous est arrivé. Une ancienne connaissance à toi. Madame Horace de Beuzeval, ma femme. »« Comment, madame de Beuzeval ?» s'écria Max, que je reconnus alors. « Elle-même. Et si tu en doutes, cher ami, viens lui présenter tes hommages. » La barque s'approcha. Max la montait avec 2 matelots. Il avait un costume élégant de marinier et sur l'épaule un filet qu'il s'apprêtait à jeter à la mer. Arrivé près de nous, nous échangeâmes quelques paroles de politesse. Puis Max laissa tomber son filet, monta à bord de notre canot, parla un instant à voix basse avec Henri, me salua et redescendit dans son embarcation. « Bonne pêche !» lui cria Horace. « Bon voyage !» répondit Max. Et la barque et le canot se séparèrent. L'heure du dîner approchait. Nous regagnâmes l'embouchure de la rivière, mais le flux s'était retiré. Il n'y avait plus assez d'eau pour nous porter jusqu'au parc. Nous fûmes obligés de descendre sur la grève et de remonter par les dunes. Là, je fis le chemin que vous-même fîtes 3 ou 4 nuits après. Je me trouvai sur les galets d'abord, puis dans les grandes herbes. Enfin, je gravis la montagne, j'entrai dans l'abbaye, je vis le cloître et son petit cimetière, je suivis le corridor, et de l'autre côté d'un massif d'arbres, je me retrouvai dans le parc du château. Le soir se passa sans aucune circonstance remarquable. Horace fut très gai. Il parla pour l'hiver prochain d'embellissements à faire à notre hôtel de Paris et pour le printemps d'un voyage. Il voulait emmener ma mère et moi en Italie et peut-être acheter à Venise un de ces vieux palais de marbre afin d'y aller passer les saisons du carnaval. Henri était beaucoup moins libre d'esprit et paraissait préoccupé et inquiet au moindre bruit. Tous ces petits détails, auxquels je fis à peine attention dans le moment, se représentèrent plus tard à mon esprit, avec toutes leurs causes qui m'étaient cachées alors, et que leur résultat me fit comprendre depuis. Nous nous retirâmes laissant Henri au salon. Il avait à veiller pour écrire, nous dit-il. On lui apporta des plumes et de l'encre, il s'établit près du feu. Le lendemain matin, comme nous étions à déjeuner, on entendit sonner d'une manière particulière à la porte du parc. Max, dirent ensemble Horace et Henri. En effet, celui qu'ils avaient nommé entra presque aussitôt dans la cour au grand galop de son cheval. « Ah, te voilà, dit en riant Horace, je suis enchanté de te revoir. Mais une autre fois, ménage un peu plus mes chevaux. Vois dans quel état tu as mis ce pauvre Pluton. » « J'avais peur de ne pas arriver à temps, répondit Max. Puis, s'interrompant et se retournant de mon côté, « Madame, me dit-il, excusez-moi de me présenter ainsi beauté et éperonnée devant vous. » Mais Horace a oublié, et je conçois cela, que nous avons pour aujourd'hui une partie de chasse à cours avec des Anglais, continua-t-il, en appuyant sur ce mot. « Ils sont arrivés hier soir exprès par le bateau à vapeur, de sorte qu'il ne faut pas que nous, qui sommes tout portés, nous nous trouvions en retard en leur manquant de parole. » « Très bien, dit Horace, nous y serons. » « Cependant, reprit Max en se retournant de mon côté, je ne sais si maintenant nous pouvons tenir notre promesse. Cette chasse est trop fatigante pour que madame nous accompagne. »« Oh, tranquillisez-vous, messieurs, m'empressai-je de répondre. Je ne suis pas venu ici pour être une entrave à vos plaisirs. Allez, et en votre absence, je garderai la forteresse. » « Tu vois, dit Horace, Pauline est une véritable châtelaine des temps passés. Il ne lui manque vraiment que des suivantes et des pages, car elle n'a même pas de femme de chambre. La sienne est restée en route et ne sera ici que dans 8 jours. Au reste, dit Henri, si tu veux demeurer au château, Horace, nous t'excuserons auprès de nos insulaires, rien de plus facile. Non pas, reprit vivement le comte, vous oubliez que c'est moi qui suis le plus engagé dans le pari, il faut donc que je le soutienne en personne. Je vous l'ai dit, Pauline nous excusera. Parfaitement, repris-je. Et pour vous laisser toute liberté, je remonte dans ma chambre. Je vous y rejoins dans un instant, me dit Horace, et venant à moi avec une galanterie charmante, il me conduisit jusqu'à la porte et me baisa la main. Je remontai chez moi. Au bout de quelques instants, Horace m'y suivit. Il était déjà en costume de chasse et venait me dire adieu. Je redescendis avec lui jusqu'au perron et je pris congé de ces messieurs. Ils insistèrent alors de nouveau pour qu'Horace restât près de moi. Mais j'exigeai impérieusement qu'il les accompagnât. Ils partirent enfin en me promettant d'être de retour le lendemain matin. Je restai seul au château avec le Malais. Cette singulière société eût peut-être effrayé une autre femme que moi. Mais je savais que cet homme était tout dévoué à Horace depuis le jour où il l'avait vu avec son poignard aller attaquer la tigresse dans ses roseaux. Subjugué par cette admiration puissante que les natures primitives ont pour le courage, il l'avait suivi de Bombay en France et ne l'avait pas quitté un instant depuis. J'eusse donc été parfaitement tranquille si je n'avais eu pour cause d'inquiétude que son air sauvage et son costume étrange. Mais j'étais au milieu d'un pays qui, depuis quelque temps, était devenu le théâtre des accidents les plus inouïs. Et quoique je n'en eusse entendu parler ni à Horace ni à Henri, qui, en leur qualité d'hommes méprisés ou affectés de mépriser un semblable danger, ces histoires lamentables et sanglantes me revinrent à l'esprit dès que je fus seul. Cependant, comme je n'avais rien à craindre pendant le jour, je descendis dans le parc et je résolus d'occuper ma matinée à visiter les environs du château que j'allais habiter pendant 2 mois. Mes pas se dirigèrent naturellement vers la partie que je connaissais déjà. Je visitai de nouveau les ruines de l'abbaye, mais cette fois en détail. Vous les avez explorées, je n'ai pas besoin de vous les décrire. Je sortis par le porche ruiné et j'arrivai bientôt sur la colline qui domine la mer. C'était la seconde fois que je voyais ce spectacle. Il n'avait donc encore rien perdu de sa puissance. Aussi restai-je 2 heures assise, immobile et les yeux fixes, à le contempler. Au bout de ce temps, je le quittai à regret. Mais je voulais visiter les autres parties du parc. Je redescendis vers la rivière. J'en suivis quelque temps les bords, je retrouvai amarrée à sa rive la barque sur laquelle nous avions fait la veille notre promenade et qui était appareillée de manière à ce qu'on pût s'en servir au premier caprice. Elle me rappela, je ne sais pourquoi, ce cheval toujours scellé dans l'écurie. Cette idée en éveilla une autre. C'était celle de cette défiance éternelle qu'avait Horace et que partageaient ses amis, ses pistolets qui ne quittaient jamais le chevet de son lit, ses pistolets sur la table quand j'étais arrivé. Tout en paraissant mépriser le danger, il prenait donc des précautions contre lui. Mais alors, si 2 hommes croyaient ne pas pouvoir déjeuner sans armes, comment me laissait-il seul, moi qui n'avais aucune défense? Tout cela était incompréhensible, mais par cela même, quelque effort que je fisse pour chasser ces idées sinistres de mon esprit, elles y revenaient sans cesse. Au reste, comme tout en songeant je marchais toujours, je me trouvai bientôt dans le plus touffu du bois. Là, au milieu d'une véritable forêt de chênes, s'élevait un pavillon isolé et parfaitement fermé. J'en fis le tour. Mes portes et volets étaient si habilement joints que je ne pus, malgré ma curiosité, rien en voir que l'extérieur. Je me promis, la première fois que je sortirais avec Horace, de diriger la promenade de ce côté, car j'avais déjà, si le comte ne s'y opposait pas, jeté mon dévolu sur ce pavillon pour en faire mon cabinet de travail, sa position le rendant parfaitement apte à cette destination. Je rentrai au château. Après l'exploration extérieure, vint la visite intérieure. La chambre que j'occupais donnait d'un côté dans un salon, de l'autre dans la bibliothèque. Un corridor régnait d'un bout à l'autre du bâtiment et le partageait en deux. Mon appartement était le plus complet. Le reste du château était divisé en une douzaine de petits logements séparés, composés d'une antichambre, d'une chambre et d'un cabinet de toilette, le tout fort habitable, quoique m'en eût dit et écrit le comte. Comme la bibliothèque me paraissait le plus sûr contrepoison à la solitude et à l'ennui qui m'attendaient, je résolus de faire aussitôt connaissance avec les ressources qu'elle pouvait m'offrir. Elle se composait en grande partie de romans du XVIIIe siècle qui annonçaient que les prédécesseurs du comte avaient un goût décidé pour la littérature de Voltaire, de Crébillon fils et de Marivaux. Quelques volumes plus nouveaux, et qui paraissaient achetés par le propriétaire actuel, faisaient tache au milieu de cette collection. C'étaient des livres de chimie, d'histoire et de voyage. Parmi ces dernières, je remarquai une belle édition anglaise de l'ouvrage de Daniel sur l'Inde. Je résolus d'en faire le compagnon de ma nuit, pendant laquelle j'espérais peu dormir. J'en tirai un volume de son rayon et je le portai dans ma chambre. 5 minutes après, le valet vint m'annoncer par signe que le dîner était servi. Je descendis et trouvai la table dressée dans cette immense salle à manger. Je ne puis vous dire quel sentiment de crainte et de tristesse s'empara de moi quand je me vis forcé de dîner ainsi seul, éclairé par 2 bougies dont la lumière n'atteignait pas les profondeurs de l'appartement et permettait à l'ombre d'y donner aux objets sur lesquels elle s'étendait les formes les plus bizarres. Ce sentiment pénible s'augmentait encore de la présence de ce serviteur basané à qui je ne pouvais communiquer mes volontés que par des signes auxquels, du reste, il obéissait avec une promptitude et une intelligence qui donnait encore quelque chose de plus fantastique à ce repas étrange. Plusieurs fois j'eus envie de lui parler, quoique je susse qu'il ne pourrait pas me comprendre. Mais comme les enfants qui n'osent crier dans les ténèbres, j'avais peur d'entendre le son de ma propre voix. Lorsqu'il eut servi le dessert, je lui fis signe d'aller faire un grand feu dans ma chambre. La flamme du foyer et la compagnie de ceux qui n'en ont pas. D'ailleurs, je comptais ne me coucher que le plus tard possible, car je me sentais une terreur à laquelle je n'avais pas songé pendant la journée et qui était venue avec les ténèbres. Lorsque je me trouvai seul dans cette grande salle à manger, ma terreur s'augmenta. Il me semblait voir s'agiter les rideaux blancs qui pendaient devant les fenêtres, pareils à des linceuls. Cependant, ce n'était pas la crainte des morts qui m'agitait. Les moines et les abbés dont j'avais foulé en passant les tombes dormaient de leur sommeil béni, les uns dans leur cloître, les autres dans leur caveau. Mais tout ce que j'avais lu à la campagne, tout ce qu'on m'avait raconté à Caen me revenait à la mémoire, et je tressaillais au moindre bruit. Le seul qu'on entendit cependant était le frémissement des feuilles, le murmure lointain de la mer et ce bruit monotone et mélancolique du vent qui se brise aux angles des grands édifices et s'abat dans les cheminées comme une volée d'oiseaux de nuit. Je restai ainsi immobile pendant 10 minutes à peu près, n'osant regarder ni à droite ni à gauche, lorsque j'entendis un léger bruit derrière moi. Je me retournai, c'était le valet. Il croisa les mains sur sa poitrine et s'inclina. C'était sa manière d'annoncer que les ordres qu'il avait reçus étaient accomplis. Je me levai, il prit les bougies et marcha derrière moi. Mon appartement, du reste, avait été parfaitement préparé pour la nuit par ma singulière femme de chambre qui posa les lumières sur une table et me laissa seule. Mon désir avait été exécuté à la lettre. Un feu immense brûlait dans la grande cheminée de marbre blanc supportée par des amours dorés. Sa lueur se répandait dans la chambre et lui donnait un aspect gai qui contrastait si bien avec ma terreur qu'elle commença à passer. Cette chambre était tendue de damas rouges à fleurs et ornée au plafond et aux portes d'une foule d'arabesques et d'enroulements plus capricieux les uns que les autres, représentant des danses de faunes et de satyres, dont les masques grotesques riaient d'un rire d'or au foyer qu'ils reflétaient. Je n'étais cependant pas rassurée au point de me coucher. D'ailleurs, il était à peine 8 heures du soir. Je substituai donc simplement un peignoir à ma robe, et comme j'avais remarqué que le temps était beau, je voulus ouvrir ma fenêtre afin d'achever de me rassurer par la vue calme et sereine de la nature endormie. Mais par une précaution dont je crus pouvoir me rendre compte en l'attribuant à ces bruits d'assassinat répandus dans les environs, les volets en avaient été fermés en dedans. Je revins donc m'asseoir près de la table au coin de mon feu, m'apprêtant à lire mon voyage dans l'Inde, lorsqu'en jetant les yeux sur le volume, je m'aperçus que j'avais apporté le tome second au lieu du tome premier. Je me levai pour aller le changer, lorsqu'à l'entrée de la bibliothèque ma crainte me reprit. J'hésitai un instant. Enfin, je me fis honte à moi-même d'une terreur aussi enfantine. J'ouvris hardiment la porte et je m'avançai vers le panneau où était le reste de l'édition. En approchant ma bougie des autres tomes pour voir leurs numéros, mes regards plongèrent dans le vide causé par l'absence du volume que par erreur j'avais pris d'abord, et derrière la tablette, je vis briller un bouton de cuivre pareil à ceux que l'on met aux serrures et que cachaient aux yeux les livres rangés sur le devant du panneau. J'avais souvent vu des portes secrètes dans les bibliothèques et dissimulées par de fausses reliures. Rien n'était donc plus naturel qu'une porte du même genre s'ouvrit dans celle-ci. Cependant, la direction dans laquelle elle était placée rendait la chose presque impossible. Les fenêtres de la bibliothèque étaient les dernières du bâtiment. Ce bouton était scellé au lambris en retour de la seconde fenêtre. Une porte pratiquée à cet endroit se serait donc ouverte sur le mur extérieur. Je me reculai pour examiner à l'aide de ma bougie si je n'apercevais pas quelque signe qui indiquât une ouverture, mais j'eus beau regarder, je ne vis rien. Je portai alors la main sur le bouton et j'essayai de le faire tourner, mais il résista. Je le poussai et je le sentis fléchir. Je le poussai plus fortement, alors une porte s'échappa avec bruit, renvoyée vers moi par un ressort. Cette porte donnait sur un petit escalier tournant, pratiqué dans l'épaisseur de la muraille. Vous comprenez qu'une pareille découverte n'était point de nature à calmer mon effroi. J'avançai ma bougie au-dessus de l'escalier et je le vis s'enfoncer perpendiculairement. Un instant, j'eus l'intention de m'y engager. Je descendis même les deux premières marches, mais le cœur me manqua. Je rentrai à reculons dans la bibliothèque et je repoussai la porte qui se referma si hermétiquement que même avec la certitude qu'elle existait, je ne pus découvrir ses jointures. Je replaçai aussitôt le volume de peur qu'on ne s'aperçût que j'y avais touché, car je savais qui intéresserait ce secret. Je pris au hasard un autre ouvrage, je rentrai dans ma chambre, je fermai au verrou la porte qui donnait sur la bibliothèque et je revins m'asseoir près du feu. Les événements inattendus acquièrent ou perdent de leur gravité selon les dispositions d'esprit tristes ou gais, ou selon les circonstances plus ou moins critiques dans lesquelles on se trouve. Certes, rien de plus naturel qu'une porte cachée dans une bibliothèque et qu'un escalier tournant pratiqué dans l'épaisseur d'un mur. Mais si l'on découvre cette porte et cet escalier la nuit, dans un château isolé, qu'on habite seul et sans défense, si ce château s'élève au milieu d'une contrée qui retentit chaque jour du bruit d'un vol ou d'un assassinat nouveau, si toute une mystérieuse destinée vous enveloppe depuis quelque temps, si des pressentiments sinistres vous ont 20 fois fait passer au milieu d'un bal un frisson mortel dans le cœur, tout alors devient, sinon réalité, du moins spectre et fantôme. Et personne n'ignore par expérience que le danger inconnu est 1000 fois plus saisissant et plus terrible que le péril visible et matérialisé. C'est alors que je regrettai bien vivement ce congé imprudent que j'avais donné à ma femme de chambre. La terreur est une chose si peu raisonnée qu'elle s'excite ou se calme sans motif plausible. L'être le plus faible, un chien qui nous caresse, un enfant qui nous sourit, quoique ni l'un ni l'autre ne puisse nous défendre, sont en ce cas des appuis pour le cœur, sinon des armes pour le bras. Si j'avais eu près de moi cette fille, qui ne m'avait pas quitté depuis 5 ans, dont je connaissais le dévouement et l'amitié, sans doute que toute crainte eût disparu, tandis que seul comme j'étais, il me semblait que j'étais dévoué à l'avance et que rien ne pouvait me sauver. Je restai ainsi 2 heures immobile, la sueur de l'effroi sur le front. J'écoutais sonner à ma pendule 10 heures, puis 11 heures, et à ce bruit si naturel cependant, je me cramponnais chaque fois au bras de mon fauteuil. Entre 11 heures et 11h30, il me sembla entendre la détonation lointaine d'un coup de pistolet. Je me soulevai à demi, appuyé contre le chambranle de la cheminée, puis tout étant rentré dans le silence, je retombai assise et la tête renversée sur le dossier de ma bergère. Je restai encore ainsi quelque temps les yeux fixes et n'osant les détourner du point que je regardais, de peur qu'ils ne rencontrassent, en se retournant, quelque cause de crainte réelle. Tout à coup, il me sembla, au milieu de ce silence absolu, que la grille, qui était en face du perron et qui séparait le jardin du parc, grinçait sur ses gonds. L'idée qu'Aura se rentrait chassa à l'instant toute ma terreur. Je m'élançai à la fenêtre, oubliant que mes volets étaient clos. Je voulus ouvrir la porte du corridor, soit maladresse, soit précaution, le malais l'avait fermée aussi en se retirant. J'étais prisonnière. Je me rappelai alors que les fenêtres de la bibliothèque donnaient comme les miennes sur le préau. Je tirai le verrou, et par un de ces mouvements bizarres qui font succéder le plus grand courage à la plus grande faiblesse, j'y entrai sans lumière, car ceux qui venaient à cette heure pouvaient n'être pas Horace et ses amis, et ma lumière dénonçait que la chambre était habitée. Les volets étaient poussés seulement. J'en écartai un, et au clair de la lune j'aperçus distinctement un homme qui venait d'ouvrir l'un des battants de la grille et le tenait entrebâillé, tandis que deux autres, portant un objet que je ne pouvais distinguer, franchissaient la porte que leur compagnon referma sur eux. Ces trois hommes ne s'avançaient pas vers le perron, mais tournaient autour du château. Cependant, comme le chemin qu'ils suivaient les rapprochait de moi, je commençai à reconnaître la forme du fardeau qu'ils portaient. C'était un corps, enveloppé dans un manteau. Sans doute la vue d'une maison qui pouvait être habitée donna quelque espoir à celui ou à celle qu'on enlevait. Une espèce de lutte s'engagea sous ma fenêtre. Dans cette lutte, un bras se dégagea. Ce bras était couvert d'une manche de robe. Il n'y avait plus de doute. La victime était une femme. Mais tout ceci fut rapide comme l'éclair. Le bras, saisi vigoureusement par l'un des trois hommes, rentra sous le manteau. L'objet reprit l'apparence informe d'un fardeau quelconque. Puis tout disparut à l'angle du bâtiment et dans l'ombre d'une allée de marronniers qui conduisait au petit pavillon fermé que j'avais découvert la veille au milieu du massif de chênes. Je n'avais pas pu reconnaître ces hommes. Tout ce que j'en avais distingué, c'est qu'ils étaient vêtus en paysans. Mais s'ils étaient véritablement ce qu'ils paraissaient être, comment venaient-ils au château? Comment s'étaient-ils procuré une clé de la grille? Était-ce un rapt? Était-ce un assassinat? Je n'en savais rien. Mais certainement c'était l'un ou l'autre. Tout cela d'ailleurs était si incompréhensible et si étrange que parfois je me demandais si je n'étais pas sous l'empire d'un rêve. Au reste, on n'entendait aucun bruit. La nuit poursuivait son cours calme et tranquille, et moi j'étais resté debout à la fenêtre, immobile de terreur, n'osant quitter ma place, de peur que le bruit de mes pas n'éveillât le danger, s'il en était qui me menaça. Tout à coup, je me rappelai cette porte dérobée, cet escalier mystérieux. Il me sembla entendre un bruit sourd de ce côté. Je m'élançai dans ma chambre, refermai et verrouillai la porte. Puis j'allai retomber dans mon fauteuil sans remarquer que, pendant mon absence, une des deux bougies s'était éteinte. Cette fois, ce n'était plus une crainte vague et sans cause qui m'agitait. C'était quelque crime bien réel qui rôdait autour de moi et dont j'avais de mes yeux distingué les agents. Il me semblait à tout moment que j'allais voir s'ouvrir une porte cachée ou entendre glisser quelques panneaux inaperçus. Tous ces petits bruits si distincts pendant la nuit et que cause un meuble qui craque ou un parquet qui se disjoint me faisaient bondir d'effroi. Et j'entendais dans le silence mon cœur battre à l'unisson du balancier de la pendule. À ce moment, la flamme de ma bougie consumée atteignit le papier qui l'entourait. Une lueur momentanée se répandit par toute la chambre, puis s'en alla décroissante. Un pétillement se fit entendre pendant quelques secondes, puis la mèche, s'enfonçant dans la cavité du flambeau, s'éteignit tout à coup et me laissa sans autre lumière que celle du foyer. Je cherchai des yeux autour de moi si j'avais du bois pour l'alimenter. Je n'en aperçus point. Je rapprochai les tisons les uns des autres, et pour un moment le feu reprit une nouvelle ardeur. Mais sa flamme tremblante n'était point une lumière propre à me rassurer. Chaque objet était devenu mobile comme la lueur nouvelle qui l'éclairait. Les portes se balançaient, les rideaux semblaient s'agiter. De longues ombres mouvantes passaient sur le plafond et sur les tapisseries. Je sentais que j'étais prête à me trouver mal, et je n'étais préservée de l'évanouissement que par la terreur même. En ce moment, ce petit bruit qui précède le tintement de la pendule se fit entendre, et minuit sonna. Cependant, je ne pouvais passer la nuit entière dans ce fauteuil. Je sentais le froid me gagner lentement. Je pris la résolution de me coucher tout habillée. Je gagnai le lit sans regarder autour de moi, je me glissai sous la couverture, et je tirai le drap par-dessus ma tête. Je restai une heure à peu près ainsi sans songer même à la possibilité du sommeil. Je me rappellerai cette heure toute ma vie. Une araignée faisait sa toile dans la boiserie de l'alcôve et j'écoutais le travail incessant de l'ouvrière nocturne. Tout à coup il cessa, interrompu par un autre bruit. Il me sembla entendre le petit cri qu'avait fait, lorsque j'avais poussé le bouton de cuivre, la porte de la bibliothèque. Je sortis vivement ma tête de la couverture et, le cou raidi, retenant mon haleine, la main sur mon cœur pour l'empêcher de battre, j'aspirai le silence, doutant encore. Bientôt, je ne doutais plus. Je ne m'étais pas trompé. Le parquet craqua sous le poids d'un corps. Des pas s'approchèrent et heurtèrent une chaise. Mais sans doute celui qui venait craignait d'être entendu, car tout bruit cessa aussitôt, et le silence le plus absolu lui succéda. L'araignée reprit sa toile. Oh, tous ces détails, voyez-vous, tous ces détails, ils sont présents à ma mémoire comme si j'étais là encore, couché sur ce lit et dans l'agonie de la terreur. J'entendis de nouveau un mouvement dans la bibliothèque. On se remit en marche en s'approchant de la boiserie à laquelle était adossé mon lit. Une main s'appuya contre la cloison. Je n'étais plus séparé de celui qui venait ainsi que par l'épaisseur d'une planche. Je crus entendre glisser un panneau. Je me tins immobile et comme si je dormais. Le sommeil était ma seule arme. Le voleur, si c'en était un, content que je ne pourrais ni le voir ni l'entendre, m'épargnerait peut-être, jugeant ma mort inutile. Mon visage tourné vers la tapisserie était dans l'ombre, ce qui me permit de garder les yeux ouverts. Alors je vis remuer mes rideaux. Une main les écarta lentement, puis, encadrée dans leur draperie rouge, une tête pâle s'avança. En ce moment, la dernière lueur du foyer, tremblante au fond de l'alcôve, éclaira cette apparition. Je reconnus le comte Horace et je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, la vision avait disparu. Quoique mes rideaux fussent encore agités, j'entendis le frôlement du panneau qui se refermait, puis le bruit décroissant des pas, puis le cri de la porte. Enfin, tout redevint tranquille et silencieux. Je ne sais combien de temps je restai ainsi sans haleine et sans mouvement. Mais vers le commencement du jour, à peu près, brisé par cette veille douloureuse, je tombai dans un engourdissement qui ressemblait au sommeil.